Un rêve, surtout. Le plus cruel de tous s'obstinait à me poursuivre. Je crus voir la digne mère de votre amie dans son lit, expirante, et sa fille à genoux devant elle, fondante en larmes, baisant ses mains et recueillant ses derniers soupirs. Je revis cette scène que vous m'avez autrefois dépeinte et qui ne sortira jamais de mon souvenir. « Oh, ma mère, disait Julie, d'un ton à me navrer l'âme, celle qui vous doit le jour, vous l'hôte ? Ah, reprenez votre bienfait. Sans vous, il n'est pour moi qu'un don funeste. »« Mon enfant, répondit sa tendre mère, il faut remplir mon sort. Dieu est juste, tu seras mère à ton tour. » Elle ne put achever. Je voulus lever les yeux sur elle, je ne la vis plus. Je vis Julie à sa place. Je la vis, je la reconnus, quoique son visage fut couvert d'un voile. Je fais un cri, je m'élance pour écarter le voile. Je ne pus l'atteindre. J'étendais les bras, je me tourmentais et ne touchais rien. « Ami, calme-toi, me dit-elle d'une voix faible. Le voile redoutable me couvre, nulle main ne peut l'écarter. » À ce mot, je m'agite et fais un nouvel effort. Cet effort me réveille. Je me trouve dans mon lit, accablé de fatigue et trempé de sueur et de larmes. Bientôt, ma frayeur se dissipe. L'épuisement me rendort. Le même songe me rend les mêmes agitations. Je m'éveille et me rendors une troisième fois. Toujours ce spectacle lugubre. Toujours ce même appareil de mort. Toujours ce voile impénétrable échappe à mes mains et dérobe à mes yeux l'objet expirant qu'il couvre. À ce dernier réveil, ma terreur fut si forte que je ne la pus vaincre, étant éveillé. Je me jette à bas de mon lit sans savoir ce que je faisais. Je me mets à errer par la chambre, effrayé comme un enfant des ombres de la nuit, croyant me voir environné de fantômes et l'oreille encore frappée de cette voix plaintive dont je n'entendis jamais le son sans émotion. Le crépuscule, en commençant d'éclairer les objets, ne fit que les transformer au gré de mon imagination troublée. Mon effroi redouble et m'ôte le jugement. Après avoir trouvé ma porte avec peine, je m'enfile ma chambre. J'entre brusquement dans celle d'Edouard. J'ouvre son rideau et me laisse tomber sur son lit en m'écriant hors d'haleine. « Ça n'est fait, je ne la verrai plus !»